La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Darwin écrit dans ses carnets « Celui qui comprendra le babouin aura fait plus pour la métaphysique que tout Locke. » Mais qui a vraiment compris le babouin? À sa mort, Darwin laisse comme héritage d'immenses questions à résoudre et deux thèses majeures. L'arbre de la vie, qui pose une parenté entre les espèces et entraîne donc une blessure narcissique de l'homme qui perd son statut exceptionnel, et la sélection naturelle, explication majeure de cet arbre de la vie. Alors quels ont été les apports du darwinisme à la compréhension de l'homme, de la société et de la culture? Dans quelle mesure le paradigme Darwin est-il toujours d'actualité et s'applique-t-il à d'autres domaines que celui de la biologie? Réponse ce matin en compagnie du directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques au CNRS et à l'Université Paris 1 Sorbonne, Philippe Unemann. Baby, can't you see? I'm calling a guy like you should wear. Bonjour Philippe Unemann. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Quand on entend les différentes reprises de cette chanson toxique, une chanson composée en 2004 et chantée par Britney Spears, qui est devenue l'un des thèmes les plus repris au monde, est-ce qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler un darwinisme culturel, à savoir une chanson donne lieu à des reprises, ce qu'on pourrait appeler des répliques qui émanent de cette première chanson, comme dans l'arbre de la vie, les branches inférieures émanent des branches principales? Alors oui, il y a un parallèle assez net quand on pense effectivement à l'arbre de la vie, c'est-à-dire au fait que l'ensemble des espèces peuvent, quand on les classe, donc quand on les classe par ressemblance, quand on arrive à dire celle-ci est la plus proche de celle-ci que celle-ci, cette classification a un sens historique et la proximité entre deux espèces qui sont plus proches l'une de l'autre qu'une troisième signifie qu'elles ont un ancêtre que la troisième n'a pas. Et donc on arrive à construire un arbre comme ça historique à partir de la classification. Là c'est pareil, on a l'impression qu'à partir d'une chanson originelle comme à partir d'une première espèce, ça diverge. Alors il y a un second parallèle qui est peut-être plus intéressant, qui est vraiment une chose très discutée, qui est dans quelle mesure l'explication du processus par lequel ces chansons évoluent, et en fait plus généralement, parce que c'est à l'enjeu, la culture évolue, cette explication est darwinienne. Et alors quand on dit darwinien, ça veut dire au moins l'idée qu'il y a un processus de sélection naturelle qui produit une diversification et de l'adaptation. Et qui dit sélection naturelle dit qu'il y a des variants. On a parlé hier dans l'émission, il y a des variations qui arrivent par hasard, c'est-à-dire qui n'arrivent pas pour un certain but. Certaines sont meilleures que d'autres, et puis certaines donc sont meilleures, c'est-à-dire sont plus adaptées en biologie, au milieu. Ici, c'est un peu plus compliqué pour la culture, mais ça vient dans deux secondes. Et elles se reproduisent donc plus que d'autres, et elles transmettent leurs particularités à leurs descendants. Ça, c'est la sélection naturelle. Qu'est-ce qui se passe avec les chansons, avec les thèmes, hein? C'est là-dessus, si vous voulez, le parallèle, il n'y a pas de parallèle exact. Mais alors, les auteurs les plus radicaux vont dire que c'est exactement comme de la sélection naturelle. C'est-à-dire que vous avez des petits morceaux de musique qui sont il y en a plein, hein, et puis qui ont la faculté de se reproduire dans la tête des gens parce qu'ils se laissent écouter plus facilement. C'est ce qu'on appelle des mèmes ? C'est exactement ce qu'on appelle des mèmes. C'est ce que, et alors le mème a été forgé par analogie avec le mot gène par Richard Dawkins, dont je reparlerai sans doute, hein, qui pense qu'effectivement il y a sur la chanson toxique par exemple, elle va être recopiée par plein de gens qui vont faire des versions. Mème, ça vient de mimésis, hein, je le précise. Oui, c'est le gène, c'est une mémoire stockée dans l'ADN. Le mème, selon Dawkins, c'est une mémoire stockée, un élément mémoriel stocké dans les cerveaux. Bon, et donc les éléments de musique se reproduisent avec des variantes. Certains se reproduisent plus que d'autres. Ils plaisent plus. Par exemple, le thème de la 5e symphonie de Beethoven, là, les 4 notes, c'est quelque chose qui a beaucoup marché, dirais-je pour caricaturer un peu. Et c'est comme ça qu'on comprend l'évolution culturelle. Alors évidemment, dit comme ça, je fais beaucoup de sauts parce que qu'est-ce que c'est que le succès de 5 ou 6 notes de musique? Qu'est-ce que c'est que comment mesurer en fait son hérédité, c'est-à-dire le fait qu'il est copié de génération en génération? Comment, même si ça marche pour la musique de pop, comment généraliser ça à l'entièreté de la culture humaine? Là, il y a des grosses questions. Et en fait, peu de gens qui étudient ça sont maintenant assez d'accord avec ce que Dawkins appelait la mémétique, c'est-à-dire cette idée que ce qui se passe dans la culture, c'est exactement analogue à ce qui se passe dans l'évolution, sauf que au lieu de gènes, on aurait des mèmes, c'est-à-dire des petits éléments mémoriels qui varient, c'est-à-dire les gens les recopie plus ou moins bien, et certains ont plus de succès que d'autres, et quand vous faites ça pendant des milliers de générations, vous allez avoir la culture. Mais l'évolution culturelle, la question pour les gens qui adhèrent au paradigme darwinien, c'est dans quelle mesure on peut définir un processus d'évolution par sélection naturelle sur des éléments qui seraient des éléments de l'ordre de l'idée, en fait. Alors, ouais. le morceau de musique, l'élément de croyance religieuse, ce genre de choses. En fait. Mais ça, c'est vraiment passionnant, parce que c'est une manière de montrer que ce que disait Darwin avant même la découverte de la génétique, au fond, avait à quelque chose d'assez cohérent, et donc est-ce qu'il faut employer le terme de scientifique, que ça puisse être transposé à d'autres domaines que le domaine biologique? Oui, alors si vous voulez, là, en fait, c'est pour être un tout petit peu plus général. Alors évidemment, Darwin, c'est il y a 150 ans, hein, donc il y a eu énormément de changements depuis, même si on est dans un paradigme darwinien, c'est-à-dire encore une fois qu'on s'accorde à dire que la sélection naturelle explique beaucoup de choses et que les espèces sont parentes les unes des autres. À partir de là, pour dire très vite, hein, la théorie moderne, elle, c'est Darwin, et on intègre la génétique, c'est la génétique mendélienne, l'idée que ce qu'on appelait l'hérédité s'explique par les gènes, et plus tard on a découvert que les gènes étaient entre guillemets constitués par des molécules d'ADN. C'est un peu plus compliqué, mais c'est l'idée. Bon, alors les auteurs qui ont fait ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, donc le darwinisme moderne, donc la synthèse de l'évolution par sélection naturelle de Darwin et de la génétique de Mendel, ont compris qu'en fait on pouvait finalement, la sélection naturelle était un processus très très général, c'est-à-dire qu'il est instancié par les individus qui ont des gènes, c'est-à-dire les vivants sur Terre. Mais après tout, dès que vous avez, en gros, une population d'individus qui diffèrent, hein, et Thierry a insisté là-dessus hier, hein, sur le fait qu'une espèce, c'est une population d'individus qui diffèrent, il n'y a pas de type, qui diffèrent par des propriétés qui sont héritables, c'est-à-dire, par exemple, dans une population d'animaux, les grands ont plutôt tendance à donner des grands, et les petits ont plutôt tendance à avoir pour descendants des petits. Ça, c'est l'héritabilité. Et si ces propriétés jouent un rôle dans le succès reproductif des individus. Par exemple, on peut imaginer que les grands ont plus de descendants que les petits parce qu'ils peuvent plus accéder aux ressources et plus manger, et donc ils survivent plus longtemps, ils ont plus de descendants. Si vous avez ces trois conditions, donc une population d'individus variables, l'héritabilité des propriétés par lesquelles ils varient, et le fait que ces propriétés donnent un avantage ou une faiblesse à leur porteur dans la reproduction, alors vous avez la sélection naturelle. Certains vont se reproduire plus que d'autres en fonction de ces propriétés héritables qui vont transmettre à leurs descendants. Le critère de fonctionnement de la sélection naturelle, c'est la reproductibilité? C'est reproductibilité et différence, et le fait que les différences de reproductibilité, de reproduction, sont causées par des propriétés héritables. Et c'est ces propriétés-là qui évoluent, et il se trouve qu'en biologie, ces propriétés sont conditionnées par des gènes. Voilà. Alors, dites comme ça, la définition est très très large, c'est-à-dire que, c'est les gènes permettent d'expliquer l'héritabilité et donc l'hérédité de petites variations. Mais ça pourrait s'appliquer à d'autres choses. À partir du moment où vous montrez que, par exemple, dans la culture, vous avez des éléments qui sont héritables, c'est-à-dire qui se transmettent à des descendants, par exemple, qui vont dans un cerveau à un autre cerveau, pour, encore une fois, hein, je le trait est grossier, mais c'est l'idée, que ces éléments sont variables, c'est-à-dire vous allez voir plein de copies de toxiques de Britney Spears, mais plein, et que certains ont plus de facilité que d'autres à se reproduire, bah, ils restent plus dans la tête, vous l'avez le matin quand vous vous levez et que vous mangez vos céréales, ces éléments, y aura sélection naturelle de ces éléments, et donc ces éléments vont, entre guillemets, remporter le processus évolutif. Mmh. Et c'est ça qui expliquerait pourquoi on a un environnement culturel qui est le nôtre. On a les religions qu'on a, on a le monde artistique qui est le nôtre, ça expliquerait d'une part de la diversification culturelle, et beaucoup de choses comme ça. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de comprendre ça dans le cas de la culture, parce que qu'est-ce que c'est, encore une fois, que l'hérédité d'un trait culturel? Qu'est-ce que c'est que comment mesurer son avantage sélectif, le fait qu'il arrive à faire en sorte que ses porteurs se reproduisent plus que d'autres? Mais donc certaines personnes travaillent là-dessus aujourd'hui, c'est ça? C'est un champ absolument Dawkins, énorme. C'est ça, par exemple? Alors Dawkins, peut-être présentez-le pour ceux qui connaissent Richard Dawkins, c'est un biologiste. Qui faisait d'écologie comportementale, hein, donc il s'occupait de expliquer les traits des animaux et expliquer les traits des animaux et des plantes. Ces traits conçus comme des comportements, c'est-à-dire comme en gros des stratégies dans un certain milieu, et la question est de savoir quelle stratégie va l'emporter, c'est-à-dire permettre aux organismes qui ont cette stratégie de mieux se reproduire. Donc, Dawkins est très célèbre pour avoir publié sans doute l'un des livres les plus influents de toute l'histoire des sciences du XXe siècle, qui s'appelait Le gène égoïste. Et 1976, et un autre livre tout aussi important qui s'appelle Le phénotype étendu, The Extended Phenotype, c'est pas traduit. Et en fait, il a proposé une interprétation de la biologie darwinienne, Dawkins, basée sur deux faits. En fait, le premier qui est en gros, ça s'appelle le point de vue du gène, pardon. Et donc son interprétation, qui est très importante et très influente, hein, de la biologie évolutive, s'appuie sur deux choses. La première qui est que on peut comprendre, et j'y reviendrai, les comportements altruistes, c'est-à-dire que les organismes qui font des choses contre leur intérêt, on peut comprendre ça en regardant le point de vue des gènes des organismes. Mmh. Alors que du point de vue darwinien, on se dit, mais c'est bizarre, la sélection naturelle, elle devrait éliminer tous les comportements qui sont pas égoïstes, qui sont pas tels que les organismes y ont un intérêt. Un second ordre de fait qui est du point de vue de la biologie moléculaire, qui est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gènes qui étaient là parce que, non pas parce qu'ils apportaient à l'organisme qui porte ces gènes un avantage ou une utilité, mais parce que simplement ils se répliquent mieux que les autres gènes. Donc il y a une compétition au niveau des gènes. Bon. Et alors, le gène égoïste, c'est un livre qui défend l'idée que tout se passe comme si, dans l'évolution, les gènes, il y avait tout un tas de gènes en compétition, et que certains se reproduisent mieux que d'autres, et les organismes sont Dawkins dit leur véhicule pour leur compétition. Pour leur succès. Et à côté de ça, Dawkins a construit cette idée d'évolution culturelle qui s'appelle la mémétique, partant de l'idée que chez l'homme, comme il y a des capacités cognitives et des capacités mémorielles, il y a une autre forme d'hérédité, une autre forme de réplication qui va être la réplication idéale. Hein. Mais maintenant, la mémétique de Dawkins, en fait, ça n'est qu'une toute petite partie et très, très, finalement, assez peu travaillée de l'évolution culturelle darwinienne, où vous avez tout un tas de modèles, de théories, et voilà. Alors, j'y reviendrai un petit peu, c'est où les gens répondent de manière assez complexe à la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'hérédité d'un élément culturel et qu'est-ce que c'est que son succès dans l'évolution. Voici un extrait du livre Le gène égoïste de Richard Dawkins, un extrait du premier chapitre intitulé « Pourquoi on existe ?» lu par Vincent Schmitt. Si on nous disait qu'un homme a vécu une vie longue et prospère parmi les gangsters de Chicago, nous pourrions deviner quel genre d'homme il était. Nous pourrions nous attendre à ce qu'il ait des qualités comme la rigueur, la gâchette rapide et la capacité à s'entourer d'amis loyaux. Il ne s'agit pas de déductions infaillibles, mais on peut tirer certaines conclusions sur le caractère d'un homme si on a des informations sur la façon dont il a vécu et prospéré. Nous, ainsi que tous les autres animaux, sommes des machines créées par nos gènes. À l'image des gangsters de Chicago, nos gènes ont survécu, et dans certains cas pendant des millions d'années, dans un monde où la compétition faisait rage. Cela nous permet de nous attendre à ce que nos gènes aient certaines qualités. Je dirais qu'une qualité prédominante à espérer chez un gène qui a prospéré est l'égoïsme impitoyable. Cet égoïsme du gène donnera habituellement lieu à un égoïsme dans le comportement individuel. Même si nous souhaitons croire que cela se passe autrement, l'amour universel et le bien-être des espèces en général sont des concepts qui n'ont absolument aucun sens quand on parle d'évolution. Et oui, la génétique n'est pas toujours compatible avec le romantisme. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de l'origine des espèces de Charles Darwin cette semaine, aujourd'hui dernier temps, en compagnie du philosophe Philippe Huneman. Et nous venons d'entendre un extrait du texte de Richard Dawkins, Le gène égoïste. Extrait formidable parce que très parlant avec cette image des gangsters de Chicago. On va prendre du temps pour le commenter, Philippe Huneman, mais je voudrais juste remonter un tout petit peu en amont pour bien comprendre la force de ce texte. Tout ce que vous venez de dire signifie quand même que Darwin, inventant la sélection naturelle, avait pressenti quelque chose que la génétique va venir conforter. C'est ça qui est quand même complètement dingue. Il n'avait aucune idée de la génétique, il ne savait pas comment fonctionnait l'hérédité, ni comment se produisent les variations. Et pourtant, le paradigme qu'il construit a été conforté et confirmé par les découvertes scientifiques ultérieures. Oui, absolument. Alors, il avait une théorie de l'hérédité, hein, qui est fausse, qu'on appelle la pangénèse, mais l'une des grandes avancées en fait en biologie à partir des années 30, c'est quand on a compris la compatibilité de l'évolution par sélection naturelle darwinienne et de l'hérédité mendélienne, parce qu'en fait au début justement les premiers généticiens mendéliens étaient pas convaincus par le darwinisme parce que en fait, si vous voulez, il y avait un énorme enjeu là, et après je reviendrai à Dawkins, mais là, il y avait un énorme enjeu qui était dans l'évolution. Ok, il y a évolution, on est d'accord. Qu'est-ce qui est la cause la plus importante? Est-ce que c'est la sélection naturelle, comme le pensait Darwin, c'est-à-dire une sélection naturelle de petites variations, ou est-ce que c'est la mutation, puisque les généticiens, les mendéliens ont compris, alors c'était un objet, personne ne connaissait l'ADN, c'était un objet abstrait, le gène, mais ils ont compris qu'il y avait des changements, qu'il y était des mutations. L'ADN s'est découvert en 1953. Oui. Là, on est vraiment au début du XXe siècle. Mais l'idée, si vous voulez, c'était que ces auteurs mendéliens, comme De Vries, hein, l'un des premiers redécouvreurs des lois de Mendel en 1900, pensaient que les variations, les mutations suffisent à produire de l'évolution. Et que la sélection naturelle, ok, trie, c'est-à-dire vire les mutants qui sont pas bons, mais que le principe de la nouveauté et dans l'évolution, et le principe de l'adaptation, c'est les mutations génétiques qui vont donner des êtres nouveaux et mieux adaptés. Alors, il y a une première question importante qui est, mais est-ce que les mutations sont adaptatives? Si elles le sont, ça veut dire que quand les gènes mutent, c'est pour faire des gènes meilleurs, mieux adaptés. Donc, vous avez ici un énorme finalisme. Oui, c'est ça. On avait dit hier que justement qu'il n'y avait pas de finalisme qui s'appliquait à la théorie darwinienne. Donc, c'est la théorie synthétique de l'évolution, donc le darwinisme moderne, hein, c'est basé sur l'idée qu'en fait, expérimentalement, non, il n'y a pas de mutation adaptative. Elles surviennent au hasard. C'est-à-dire que quand vous avez un environnement, vous allez avoir plein de mutations, mais celles qui sont bonnes pour l'organisme ne sont pas plus probables que les autres. C'est ça l'idée. La question, c'est donc, est-ce que les mutations créent l'évolution et l'adaptation, ou est-ce que c'est plutôt la sélection naturelle? Et c'est, en fait, j'insiste parce que c'est un débat structurel qui a encore lieu maintenant, absolument maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la sélection naturelle explique ou cause l'adaptation et l'évolution des espèces. Alors, c'est ça? Si, enfin, est-ce que la sélection naturelle est l'explication majeure de l'évolution des espèces, tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. La question, c'est quand vous prenez quand vous essayez l'évolution des espèces, c'est large, c'est vague, etc. Mais par exemple, qu'est-ce qui est la cause majeure des grandes nouveautés dans l'histoire de la vie? Qu'est-ce qui est la parce que si vous pensez par exemple que la sélection naturelle ne fait que trier les mauvais mutants ou les mauvais variants, Bah en fait, ce qui crée le nouveau et l'adaptation, c'est justement ce qui crée les nouveaux variants à l'échelle de un individu. Ensuite, la sélection naturelle explique que ça se diffuse. Donc là, vous avez des questions assez compliquées. Et le fait est que les darwiniens orthodoxes, donc c'est des gens comme Ronald Fisher, les généticiens des populations, Sewell Wright, et puis des gens comme Ernst Mayr ou qui était systématicien, ou George Simpson qui était paléontologue, sont ceux qui vont penser que la sélection naturelle est le processus qui explique l'adaptation, qui explique l'évolution et le processus principal. Alors, dans tous les cas, personne ne croit à quelque chose comme l'intelligent design et ce genre de choses. Ça, on reste dans un débat entre savants qui souscrivent à l'idée attestée que vous avez une évolution des espèces, vous avez des parentés entre les espèces. Mais c'est vraiment une question de poids explicatif de la sélection. Et alors, les Mendéliens pensaient à la mutation, ils pensaient même à des énormes mutations, ils parlaient de macro-mutations. Et maintenant, on a il y a des mutations génétiques, évidemment. Il y a de la recombinaison quand vous avez de la reproduction sexuée, c'est-à-dire on remélange les gènes du père et de la mère, pour dire vite. Mais il y a des manières plus compliquées de penser la variation. Et le squelette du débat est quand même un peu lié à ça. Alors, au rapport variation-sélection. Et pour dire très très vite, en fait, si vous avez, pour qu'il y ait de la sélection, il faut qu'il y ait beaucoup de variants. Et il faut aussi qu'il y ait des petites variations, parce que si vous avez que des énormes variations, ce qui est le énorme variation, par exemple. C'est une variation qui fait que, par exemple, vous avez des individus avec un orifice, et puis ils vont au tout début de la vie, puis tout d'un coup ils vont en avoir deux. Ça, c'est une très grosse mutation. Ce serait l'idée. Alors, l'un des gros arguments des darwiniens, c'était qu'en fait, les mutations qui sont bénéfiques, sont rares et peuvent pas être grosses. Tout bêtement, parce que si vous avez une très grosse mutation, c'est un argument de Ronald Fisher, elle va affecter un trait, mais les gènes affectent en général beaucoup de traits. Donc, beaucoup de traits dans l'organisme. Donc, vous allez beaucoup modifier un trait, mais beaucoup modifier tous les autres. Donc, vous avez de fortes chances de, en gros, abîmer l'intégrité de l'organisme et conduire à un organisme pas viable. Donc, les seules mutations qui donnent lieu à un organisme viable sont des petites mutations. Donc, effectivement, c'est plutôt la sélection naturelle qui explique tout ce qui est l'adaptation et l'évolution. Et première très grande avancée du darwinisme moderne, c'est que ces généticiens des populations ont montré que si vous avez une hérédité mendélienne, c'est-à-dire qu'on prend un gène du père, un gène de la mère, le gène étant quelque chose, enfin bon, je vais pas rentrer dans la génétique, mais bon, le gène étant parfois exprimé, parfois quelque chose qui n'est pas exprimé, ça s'appelle les gènes récessifs. En gros, on en a deux, et pour exprimer un caractère, il faut les deux. Et puis, vous en avez que un, et puis l'autre est un peu différent, on appelle ça l'autre allèle. Alors, vous exprimez pas le caractère, mais vous pouvez passer le gène à vos descendants. C'est des choses qu'on apprend en biologie, au lycée ou au collège, sur les yeux bleus, marrons, etc. Bon. Toujours est-il que ce que les gens ont montré, c'était que quand vous avez ce type d'hérédité mendélienne, où vous tirez au sort, en gros, un gène chez le père, un gène chez la mère, le processus d'évolution par sélection naturelle peut avoir lieu, et même une petite mutation qui donne un avantage de 1% de chance de se reproduire en plus, finit par se fixer dans la population. Mmh. Alors que sinon, vous avez une énorme objection qui avait été faite à Darwin, qui était que, voilà, imaginez, vous avez une population, puis vous avez les meilleurs, les plus adaptés, donc ils sont meilleurs que les autres, ils courent plus vite, ils sont plus grands, peu importe. Enfin, dans l'environnement, ils sont meilleurs. Et puis après, ils ont des enfants. Mais si l'hérédité consiste à mélanger, en fait, les traits du père et le trait de la mère, à chaque fois, les enfants seront moins bien parce que vous mélangerez. Donc ils auront ils courront moins vite. Donc, c'est comme si, à chaque génération, vous perdez, en fait, les avantages parce que si l'hérédité consiste juste à prendre la valeur moyenne du trait du père et de la mère et à mélanger, vous allez, vous ne progresserez pas beaucoup, entre guillemets, c'est que vos traits avantageux vont se diluer dans la population. Si vous tirez au sort un gène du père, un gène de la mère, un allèle du père, un allèle de la mère, on dit Alors effectivement, vous n'allez pas perdre les allèles qui sont les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui donnent des un allèle, c'est une version d'un gène, hein, ceux qui donnent des chances de reproduction plus élevées. Donc l'idée de base, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'ont cru les premiers mendéliens, l'hérédité au sens de Mendel, c'est ça qui permet de comprendre que l'évolution par sélection naturelle est possible, c'est-à-dire que même des traits qui vous donnent un tout petit avantage, au bout de beaucoup de générations, ces traits finissent par être dominants ou de totalement remplir la population. Voilà. Mais tout envisager du point de vue du gène, et là je reviens aussi au texte de Dawkins hein, sur le gène égoïste, Dawkins disait ainsi que tous les autres animaux, nous sommes des machines créées par nos gènes. Est-ce que c'est pas une manière de mettre de côté l'influence de l'environnement, l'influence de ce qu'on appellerait aujourd'hui même les caractères acquis? Est-ce qu'on transmet des choses qui ne sont pas d'abord génétiques et qui ensuite vont s'inscrire dans nos gènes? Il y a quand même toute une dimension à voir qui détermine les seules évolutions, qui n'est pas uniquement génétique, non? Alors, c'est en première approximation, à partir du moment où on a compris que avec une hérédité mendélienne, l'évolution par sélection naturelle a lieu et produit des adaptations, hein, c'est-à-dire des traits qui ajustent les vivants à leur milieu, si vous voulez. Mmh. À partir de ce moment-là, l'évolution a quand même partie liée intrinsèquement avec les gènes. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par gène? Bien évidemment, ça n'est pas indépendant de l'environnement, parce que la manière dont le gène s'exprime dépend de l'environnement, ça on le sait depuis très très longtemps, Dawkins le sait très bien, hein, mais l'idée, c'est juste que avoir un gène plutôt qu'un autre, enfin un allèle plutôt qu'un autre, peut faire une petite différence sur les chances de reproduction. D'accord. C'est pas le gène qui fait que vous allez courir plus vite, mais le fait d'avoir un gène plutôt qu'un autre explique la différence entre courir à telle vitesse plutôt qu'à telle autre vitesse. Si vous avez juste le gène, vous courrez pas, ça fait pas grand-chose un gène. Mais si le gène fait une différence, alors c'est ça qui va compter pour l'évolution. Donc ça, Dawkins sait ça très bien. Et ce qu'il appelle le point de vue du gène, c'est quelque chose qui se voit uniquement quand vous regardez essentiellement quand vous regardez quelque chose qui a été étudié à partir des années 60, qui est les interactions sociales entre organismes. Et encore une fois, avec cette chose que Darwin a vraiment considérée et qui l'intriguait beaucoup, hein, qui est les traits altruistes, c'est-à-dire les traits, les comportements qui sont bons pour tout le monde ou pour d'autres, et coûteux pour moi. Ouais. Des traits qui sont bons pour tout le monde et qui sont aussi bons pour moi, ça c'est plus facile à expliquer parce qu'ils ont un avantage pour moi, donc on peut imaginer qu'ils finissent par, ils évoluent par sélection naturelle. Mais ceux qui sont coûteux pour moi, là c'est très difficile à expliquer. Alors, il y a entre autres un généticien qui s'appelait William Hamilton qui a conçu et modélisé l'idée qu'en fait, si vous regardez du point de vue du gène, donc imaginez, hein, bon, c'est très métaphorique, c'est de l'exemple que je vais donner, hein, ça concerne pas trop les humains, toutes ces affaires-là. Mais si vous regardez du point de vue du gène, le comportement qui consiste à sauter dans une rivière pour sauver quelqu'un qui noie ne devrait pas avoir lieu parce que je risque ma vie pour rien. Mais du point de vue du gène, à supposer que celui qui se noie ait une relation de parenté avec moi. Si je saute pour le sauver, j'ai une chance sur deux, mettons une chance sur dix de mourir. Mais j'ai une chance sur deux de le sauver. Donc mes gènes, les gènes, et en particulier le gène impliqué dans la conduite qui consiste à se jeter à l'eau, a plus de chances de se retrouver à la génération suivante. Alors après, ça peut être très mathématisé, et l'idée c'est donc que les ça s'appelle la sélection de parentèle maintenant, hein, c'est-à-dire que les comportements qui sont tels que ça a un coût pour celui qui fait ce comportement, mais un avantage pour ceux qui pour ceux qui lui sont génétiquement pour les autres, pardon, ces comportements-là peuvent évoluer si ils sont effectués en faveur de gens qui sont d'individus qui sont apparentés à celui qui a ce comportement. Donc et c'est même si vous voulez, vous avez même une équation, ça s'appelle la règle de Hamilton, et si le coût pour moi est inférieur en gros au produit du bénéfice pour les autres fois la parenté génétique, alors ce trait va évoluer. Bon, alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est le rôle de la parenté génétique, ouais. et c'est ça que Dawkins a beaucoup développé en fait. Mais justement, on va prendre un exemple très précis hein, qui va illustrer ce que vous dites, enfin la théorie de William Hamilton. Les biologistes, enfin la coopération de certains animaux, par exemple des fourmis, pose problème à des biologistes en raison de leur comportement altruiste qui semble aller à l'encontre de ce qu'on appelle la fitness, donc le nombre de descendants, donc ce qui est enjoint à la reproduction. Écoutez. Du calme, rentre dans le rang. T'es nouveau, petit? Oui. Mais je vais pas rester longtemps, je suis soldat par intérim. Tu es soldat par intérim? Elle est bien bonne. Le sacrifice. Pour certains, ce n'est qu'un mot. Pour d'autres, c'est une règle. Un soldat sait que la vie d'une fourmi en tant qu'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la colonie. Le soldat veut vivre pour la colonie. Se battre pour la colonie. Mourir pour la colonie. Ce mec est complètement dingue. Je t'ai entendu. À 08h00, nous avons appris que l'ennemi termite avait mobilisé ses troupes. Il ne nous laisse pas le choix. Nous devons effectuer une série de frappes préventives. Vous êtes les troupes d'élite de la reine. Je sais que chacun de vous fera son devoir. Je suis fier de vous envoyer au combat. Au combat? Au combat? Rompez les rangs. À gauche, gauche. En avant, marche. Toutes les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Broyant les termites comme des prunes, hurrah, hurrah. Et ces termites, on va pas vraiment se battre contre eux, ils sont beaucoup plus faibles que nous. Pas vraiment, petit, ils sont 5 fois plus gros que nous, et ils envoient des jets d'acide qui leur sortent du front. Ces gars-là, ils m'ont tout l'air d'être des monstres, hein. Tu peux me dire comment vous comptez les battre, hein? Par supériorité numérique, petit, on finit par submerger leur défense, et on va tuer leur reine. Allons botter le train aux termites. On monte à l'assaut! Donc je le rappelle, Philippe Hyndman, pour un biologiste, justement, l'égoïsme est conçu par le nombre de descendants. Justement, plus on se reproduit, plus... disons que c'est comme ça qu'on peut mesurer le coût et le bénéfice de l'évolution. Dans l'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait du film Fourmise, le film d'animation réalisé par Eric Darnell et Tim Johnson en 98. On entend ces fourmis, la fourmi ouvrière qui va venir travailler pour quelqu'un d'autre. Et on peut qualifier son comportement d'altruiste en ce sens. Finalement, elle renonce à toute forme d'égoïsme au sens de succès reproductif au profit de la reine, dont la principale fonction là est la reproduction. Et c'est quelque chose qui peut paraître mystérieux ou difficile à expliquer. Pourquoi est-ce que les fourmis, dans leur manière d'interagir ensemble, sont davantage du côté du soldat qui vient obéir à l'ordre supérieur que dans le besoin de se reproduire? Alors, c'est effectivement les fourmis, les abeilles, tout ce qu'on appelle les insectes hyménoptères. C'était quelque chose qui intriguait déjà Darwin parce que... Alors, on dit elles sont altruistes. Effectivement, il faut bien voir que dans la biologie évolutive, la mesure du succès évolutif est liée au nombre de descendants. Donc, ce qu'on appelle la fitness, qui dérive de survival of the fittest, hein, que le terme que Darwin a employé en le reprenant à Spencer. La fitness est liée au nombre de descendants d'un individu ou d'une classe d'individus. Alors, ça donne lieu à d'énormes débats théoriques, hein, parce que c'est assez compliqué. En pratique, c'est assez compliqué. Mais cette fitness permet de définir effectivement ce qu'on peut appeler altruisme et égoïsme, qui encore une fois est très loin de altruisme et égoïsme dans la vie. Dans la vie, l'altruisme c'est une propriété qui est définie par en gros l'intention. Quelqu'un qui par exemple est très riche et claque tout son argent au casino et n'a pas d'enfant, c'est pas quelqu'un qu'on considérait comme très altruiste dans la vie en psychologie. Bon, en biologie si, il n'a pas d'enfant, et il est donc altruiste puisque tout ce qu'il fait... Faire des enfants c'est être égoïste? Ah oui, mais c'est pas l'égoïsme de la vie quotidienne. Hein. Ouais. C'est évidemment, c'est juste qu'il y a un hiatus entre le sens biologique qui devrait tout le temps mettre des guillemets et peut-être reprocher à Dawkins d'avoir parlé de gène égoïste, mais c'est vraiment on en parle dans le cadre des modèles. Le comportement ou le trait égoïste, c'est celui qui, encore une fois, a un intérêt pour le porteur, un bénéfice, c'est-à-dire, in fine, augmente son nombre de descendants par rapport au nombre moyen de descendants. Et encore une fois, le mot moyen est très important parce que vous regardez pas les individus, vous regardez toujours des classes d'individus et vous faites des moyennes. Alors la question, c'est pourquoi il y a toutes ces espèces où il y a beaucoup d'insectes qui sont altruistes au sens où ils sont stériles. Et en étant les abeilles stériles, les fourmis ouvrières qui sont stériles, on se dit mais la sélection naturelle devrait par définition détruire les gènes qui poussent à la stérilité puisqu'ils n'ont pas de descendants. Alors l'explication, effectivement, elle est du côté de la sélection de parentèle, c'est-à-dire que le système de parenté en fait des abeilles ou des fourmis est différent d'une autre. Et finalement, l'abeille ouvrière, elle va être plus génétiquement proche, elle va avoir plus de gènes de sa sœur que de ses descendants. Et donc finalement, si vous regardez les gènes, elle va, les gènes de l'abeille ouvrière ou de la fourmi guerrière, du point de vue des gènes, il vaut mieux travailler pour la reine que faire des descendantes. C'est juste ça l'idée, et ça permet d'expliquer que vous avez ces insectes. Alors ensuite, vous pouvez généraliser et vous poser des questions sur la plupart des comportements dits altruistes dans la nature, c'est-à-dire ceux, encore une fois, où vous avez des organismes qui font des choses, qui ont un intérêt pour les autres et qui semblent avoir un coût pour eux. Et dans certains cas, vous allez vous dire, peut-être que c'est la sélection de parentèle. Par exemple, vous avez les singes vervets, quand ils voient un prédateur, ils crient. Bon, alors, le cri d'alarme des singes, mais ils se mettent en danger en criant, ils augmentent leur chance d'être mangés. Donc, comment un comportement par lequel vous... Ou le serpent à sonnette, on en parlait hier, justement. Oui, ou le serpent à l'os. Et avec la sonnette, à la fois, fait fuir l'ennemi, mais attire l'attention sur lui-même. Oui. Donc, alors, le serpent à sonnette, c'est plus difficile à voir comme altruiste, mais les singes vervets, une des explications, c'est que plus le singe est dans une bande où il y a de la parenté génétique entre les singes, plus il va avoir une propension à émettre ce cri. Et donc, ça vous indique que finalement, c'est un comportement qui a évolué probablement par sélection de parentèle. Alors, c'est une question ouverte de savoir si tous les comportements et altruistes s'expliquent comme ça. Il y a même un énorme débat entre biologistes sur, ils avaient des modèles concurrents, donc sur le statut de la sélection de parentèle. Mais en tout cas, effectivement, dans l'un des arguments principaux de Dawkins, c'est quand vous regardez toute l'évolution du point de vue du gène, vous pouvez comprendre les choses qui ont l'air peu compréhensibles. Alors, je fais une toute petite réserve. La plupart des biologistes qui s'occupent de coopération, utilisent des modèles en termes de sélection de parentèle, mais ne sont pas forcément d'accord avec Dawkins sur le fait qu'il faut penser la sélection du point de vue du gène. Mais ce qui est fondamental, à mon avis, c'est, si vous voulez, pendant très longtemps, on pensait que Darwin, c'est la compétition, le darwinisme, et que ça laissait de côté toute une partie de la nature, qui était l'entraide, la coopération, etc. Et vous aviez des gens, y compris des biologistes, qui disaient « Regardez la symbiose, vous avez la fourmi ou le mutualisme même, la fourmi qui mange sur la plante mais qui préserve la plante de parasites. Comment vous expliquez ça? Les darwiniens sont trop centrés sur la compétition. Et ce qui s'est passé dans les 60 et 70, en particulier avec le travail d'Hamilton, mais c'est pas le seul, c'est qu'on s'est rendu compte que la coopération aussi pouvait se penser en termes darwiniens. C'est juste des comportements coopératifs. Et avec le même type de modèle assez mathématisé qui sont ceux d'Hamilton et d'autres, on se rend compte que les organismes sont finalement toujours dans des relations de compétition et de coopération. Assez souvent d'ailleurs, c'est la coopération entre organismes, comme par exemple les bancs de poissons. Vous regardez les bancs de poissons, ils se regroupent et ils ont l'air plus gros et ça leur permet d'éviter de se faire manger. Donc là, vous avez de la coopération et en même temps, vous avez de la compétition parce que finalement, il vaut mieux être sur les bancs, tout au milieu du banc de poissons que sur les bords, parce que si vous êtes au milieu, vous avez moins de chances de vous faire manger. Donc c'est comme si vous avez quand même une compétition pour être au milieu. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on a vu qu'il y a des espèces de mécanismes réputationnels qui font que, en fait, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont au bord, donc ceux qui ont beaucoup de chances de se faire manger et ceux qui ont moins de chances de se faire manger, en fait, ils alternent. Et ce qui fait que chaque individu a plus ou moins la même chance de se faire manger. Et ceux qui passent leur temps à, entre guillemets, évidemment, vouloir rester à l'intérieur du banc de poissons, bien protégés, en fait, ils finissent par être délaissés par les autres. Donc, il y a sans doute un mécanisme de réputation qui fait que être trop égoïste devient coûteux. Donc, c'est juste un exemple de ce que le darwinisme a intégré la biologie de la coopération. Et ce que raconte Dawkins sur les gangsters de Chicago, ça a à voir avec ça. Et en particulier, ce qu'il dit, c'est qu'on peut expliquer l'altruisme, alors encore une fois, au sens biologique. On peut essayer de voir comment les dispositions altruistes biologiques ont donné lieu à des dispositions à faire des choses pour les autres et pas trop pour ça, et ensuite à des dispositions psychologiques à vouloir faire des choses pour les autres. Ça, c'est aussi un énorme chantier. Mais toujours est-il que si vous souscrivez à ces explications, altruisme, coopération, etc., c'est toujours situé dans un groupe. C'est-à-dire que C'est pour ça qu'il prend l'exemple des gangsters de Chicago. Il va être très bien, le gangster, il va être très bien avec ses autres gangsters, avec ses copains gangsters. Mais évidemment, dans le reste de la société, il va pas être très, très, très coopératif. Alors, changeons d'échelle. On peut passer du gène à une échelle beaucoup plus large, voire métaphysique. Je rappelle la citation de Darwin que j'ai donnée en début d'émission. On la trouve dans ce carnet. Celui qui comprendra le babouin aura fait plus pour la métaphysique que tout Locke. De quel type de métaphysique s'agit-il? En tout cas, si on s'inscrit dans une échelle beaucoup plus large, on peut s'interroger sur la nature du processus de la sélection naturelle. Ce processus est-il graduel? C'est ce que pensait Darwin. Ou bien fonctionne-t-il par à-coup, concentré en des événements plus importants et plus ponctuels? C'est la thèse de Stephen Jay Gould, dont je vous propose d'écouter un extrait de texte dans un instant. Jay Gould est donc un paléontologue et c'est l'un des plus grands théoriciens de l'évolution depuis Darwin. Écoutez ce texte et écoutez la thèse qu'il défend. Chaque fois que l'on redéroule le film de la vie, l'évolution prend une voie différente de celle que nous connaissons. Mais si les conséquences qui en découlent sont tout à fait différentes, cela ne veut pas dire que l'évolution est absurde et dépourvue de tout contenu signifiant. Quand on redéroule le film, on s'aperçoit que chaque nouvelle voie empruntée est tout aussi interprétable, tout aussi explicable a posteriori que celle qui a été réellement suivie et que nous connaissons. Mais la diversité des itinéraires possibles montre à l'évidence que les résultats finaux ne peuvent être prédits au départ. Chacune des étapes a ses propres causes, mais on ne peut dire quels états finaux seront réellement atteints. Et aucun de ceux-ci ne sera à nouveau obtenu lorsqu'on redéroulera le film, parce que chacune des nouvelles voies de l'évolution se réalise par l'enchaînement de milliers d'étapes imprévisibles. Changer faiblement les événements initiaux, si faiblement que cela peut paraître sur le moment n'avoir qu'une minime importance, et l'évolution se déroulera selon une direction toute différente. Cette alternative ne représente ni plus ni moins que l'essence de l'histoire. Elle a pour nom contingence, et la contingence est une chose en soi, et non la combinaison du déterminisme et du hasard. Sauf qu'il peut... Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous allez tous, là? Il paraît que c'est la fin du monde! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tony Lachat, il dit que tout va être inondé! Mes amis, j'ai entre les mains un instrument si puissant qu'il est capable d'aspirer l'air directement du ciel! Oh oh! Approchez, bon sang! Excusez-moi, ma petite dame, avez-vous des branchies? Bah non! Vous ne pouvez donc pas respirer sous l'eau! Eh non! Oh oh! Ah! Pourquoi tu fais peur à tout le monde avec ton apocalypse? J'essaie de gagner ma vie, mon gars. Tu n'es pas au courant? La glace est en train de fondre! Regardez le sol, il est recouvert de glace. Il y a un millier d'années, il était déjà recouvert de glace. Et dans un millier d'années, il y aura toujours cette même couche de glace. Ouais. Je voudrais surtout pas avoir l'air de mettre en doute ton instinct de survie, mais vous, les mammouths, vous seriez pas une espèce légèrement éteinte? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il semblerait que tu sois le dernier de ton espèce. Quand as-tu vu un mammouth pour la dernière fois? Bah, fais pas attention à lui, Manny. Les mammouths peuvent pas s'éteindre, ce sont les plus gros animaux de la Terre. Les dinosaures ont bien disparu. Les dinosaures étaient arrogants, ils s'étaient fait plein d'ennemis. Regardez! Waouh, les gars, Tony Lachat avait raison. Tout est en train de fondre. On peut peut-être évoluer très vite et devenir des créatures aquatiques. Sid, tu es génial. Sid, le poulpe suit. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et pour parler de Darwin ce matin, on est passé de Richard Dawkins à Stephen Jay Gould et de fourmis à l'âge de glace. Chronologiquement, c'est après. Hein. En termes de qualité, je vous laisse juger. En tout cas, effectivement, dans l'extrait, on entend bien les animaux assistent à cette extinction de. Enfin, d'abord à une espèce de à la fonte des glaces. Donc, on se demande si c'est la fin d'une ère justement. Et puis, on comprend qu'il y a aussi une extinction d'espèce puisque les mammouths, Marnier est le dernier représentant de son espèce. Le paléontologue Stephen Jay Gould lui explique que le cours de l'évolution est marqué par des extinctions de masse qui remettent en question le cours déterministe de l'histoire. Dans le texte qu'on a entendu, il va même jusqu'à dire que la contingence, donc ce qui s'oppose au déterminisme, est une chose en soi, et pas simplement la combinaison du déterminisme et du hasard. C'est très fort comme thèse philosophique pour le coup. Philippe Inman. Oui, alors en fait, c'est très bien qu'on passe de Dawkins à Gould, hein, ces deux très grands théoriciens qui ont des vues tellement... antinomique en fait de l'évolution, qui a un livre qui s'appelle d'un philosophe qui s'appelait Kim Sterelny qui s'intitule Gould versus Dawkins, et qui en gros passe en revue les grands débats en biologie de l'évolution théorique comme à chaque fois des conflits entre Stephen Jay Gould et Richard Dawkins. Alors ils partent pas du même champ évidemment. Donc Dawkins, comme vous le disiez, Gould est un paléontologue. Donc lui, il étudie l'histoire de la vie à une grande échelle. Et il a écrit énormément, lui, comme Dawkins, de livres pour un plus grand public, qui sont d'ailleurs que je ne peux que conseiller, parce qu'ils sont superbement écrits. L'extrait vient de La vie est belle. Alors en fait, Gould, il a, comme vous le rappeliez, il a dit deux choses. D'une part, il est l'un de ceux qui ont soutenu une théorie non gradualiste de l'évolution, c'est-à-dire qu'il pense que l'évolution... Quand vous regardez les registres fossiles, vous avez des formes qui manquent. Alors Darwin a beaucoup essayé, dans les origines des espèces, justement, il essaye d'expliquer pourquoi il y a des formes qui manquent et pourquoi, quand on regarde le registre fossile, on a l'impression que vous avez des sauts. Et Darwin explique que pour plein de raisons, y compris géologiques, on a perdu les traces de ces formes. Et Gould et son collègue Niles Eldredge, dans les années 70, à la suite de quelques autres paléontologues, ils n'ont pas trouvé ça, c'est pas une nouveauté absolue, mais a défendu l'idée que non, en fait, il y a des formes qui n'ont juste pas existé, c'est pour ça qu'on n'a pas de traces, et que, en fait, l'évolution, elle n'est pas graduelle, le plus souvent, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'adaptation à différents milieux. Par exemple, tout un tas de niches vont être remplies dans la forêt tropicale par des oiseaux. Donc ils vont être différents, ça évolue. Mais les grandes nouveautés, par exemple, l'apparition du plan d'organisation des vertébrés, l'apparition de la crête neurale qui va donner et de tous les organes liés au système nerveux, l'apparition du langage, ces espèces de grandes nouveautés se font assez rapidement à l'échelle géologique, c'est-à-dire quelques millions d'années. Mais c'est sûr que sur l'histoire de la vie, c'est relativement rapide. Alors ça, c'est une théorie qui, elle aussi, est ouverte et discutée. Et Pierre, dans le livre dont vous parlez, il défend une autre chose qui est alors ce qu'il appelle effectivement la contingence. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous prenez l'histoire de la vie dans son entièreté, donc 4 milliards d'années, il y a 5 extinctions de masse, c'est-à-dire des périodes où sur un temps relativement bref, vous perdez 50, 70, 90% des espèces, en général marines, parce que le plus souvent, c'est dans l'eau que tout ça se passe. Ce que Gould dit, donc La vie est belle, c'est une référence au film de Frank Capra. Donc c'est un type, il est désespéré parce que je suis même oublié le détail, mais bon. Bah, il perd son emploi, il n'a pas de quoi nourrir sa famille, c'est James Stewart. Et c'est ça, voilà. Noël arrive. Il préfère ne pas vivre. Il se dit, c'est ça. Je préférais n'avoir pas existé. Il y a un ange qui l'entend, qui dit, très bien. Regarde faisons comme sans si toi. Tu voilà. n'avais pas existé. Regarde à quoi le monde ressemblerait, et c'est bien pire. C'est ça. Et alors donc là l'idée, donc dans ce livre, Gould dit qu'est-ce qui se passait si des choses n'avaient pas eu, certaines extinctions de masse n'avaient pas eu lieu, parce qu'en fait il part de travaux paléontologiques où on a montré que la faune, alors c'est ce qu'on appelait la faune du schiste de Burgess, il y a plusieurs centaines de millions d'années, étaient composés d'animaux d'organismes qui n'ont pas d'équivalent maintenant dans leur plan d'organisation. Mm-hmm. Et en gros, ce que Gould dit, c'est il y a eu visiblement, peut-être pas à cause d'une catastrophe, une extinction et de masse. Alors on peut penser la plus connue, c'est la disparition des dinosaures entre le Crétacé et le Trias, et on pense qu'elle est due à une catastrophe, la collision d'une météorite sur la Terre qui a occasionné un nuage de fumée, la baisse des températures, etc. Il y a des films, on connaît. Et l'idée, c'est quoi? C'est que l'évolution ordinaire, et je commente la fin du texte, c'est un mixte de hasard et de nécessité. Il y a le hasard de les variations, il y a des variations qui arrivent au hasard, et puis il y a la sélection naturelle, et ça, c'est pas du hasard, parce que les variations qui sont retenues sont celles qui donnent un avantage. Alors, en particulier, quand vous avez une grande population, il est clair que ceux qui ont le plus de chances de se reproduire vont se reproduire plus et vont passer les traits qui leur donne un avantage. Donc ça, c'est relativement déterministe. Mais c'est pas complètement déterministe, parce que dans le processus, la variation, au départ, est au hasard. Mais Donc, vous pouvez, en gros, si vous avez un environnement, si vous, par exemple, vous avez des bactéries, vous diminuez l'apport en sucre, vous les faites évoluer, vous pouvez parier que elles vont avoir. Il y a des systèmes de possibilité de s'alimenter, pardon, avec apport calorique raréfié, qui vont évoluer. Vous pouvez parier et ça va arriver. Parce qu'en plus, les bactéries, ça va vite, donc vous allez le voir arriver. Le temps de génération est très rapide et il y en a des milliers. Donc, le plus probable, c'est la loi des grands nombres, ce qui est le plus probable dans une grande population, en général, arrive. Donc, ça, ok, c'est prévisible et relativement déterministe. Il y a une certaine nécessité. Mais imaginez que le cours de la vie à grande échelle, vous avez ces éléments comme les catastrophes de météorites. Ouais. Ça n'arrive qu'une fois et ça rebat complètement les cartes. Et là, les plus adaptés s'en sortent pas forcément. L'une des thèses darwiniennes fondamentales, c'est que l'adaptation résulte de la sélection naturelle. La sélection naturelle implique que vous avez donc des variants, concerne le fait que vous avez des variants, des individus qui font mieux dans un certain environnement que d'autres. Donc ça veut dire que ils sont plus ajustés à des propriétés de l'environnement, et ces propriétés de l'environnement sont des propriétés relativement récurrentes. Elles définissent l'environnement. Une collision d'astéroïdes, c'est pas récurrent, ça n'arrive qu'une fois. Et si cette collision d'astéroïdes change la totalité des environnements sur Terre, c'est comme si effectivement vous tiriez au sort des groupes d'individus, vous en prenez certains, vous en jetez d'autres. Mmh. Et ça n'est pas la sélection naturelle, c'est-à-dire le hasard et la nécessité ordinaire. Et c'est ça qu'il appelle la contingence. Et quand vous avez des événements comme ça, effectivement, de manière totalement contingente, vous allez perdre une partie des grandes familles de vivants. Ce qui va arriver après, ce sera les familles qui subsistent, plus des nouvelles familles qui peuvent apparaître, parce que vous allez avoir comme des niches vacantes, en fait, avec tous ceux qui ont disparu. C'est pour ça que vous avez des extinctions de masse. Après, c'est assez connu que vous avez un boom de biodiversité qui reprend. Possiblement de très nouvelles formes, de très nouveaux plans d'organisation. Et donc, ce qu'il dit, c'est que c'est l'évolution, aux très grandes échelles, est contingente. Si elle avait de nouveaux lieux, vous auriez d'autres choses. Et alors, Allez-y, il est l'heure de conclure. Et donc, la question ouverte, c'est ça. Est-ce qu'il a raison ou est-ce que... Et alors là, Dawkins, c'est celui qui, avec d'autres, soutient la thèse inverse. Il dit, oui, mais comme c'est la sélection naturelle qui explique tout, de toute façon, en gros... Vous allez toujours avoir des choses qui vont... Imaginez, vous avez un monde, vous avez de la lumière, vous avez des organismes, ils doivent trouver des ressources, vous avez des choses qui bougent. La sélection naturelle va finir par produire en fait des individus qui sont sensibles aux variations de lumière, qui détectent les formes, qui peuvent bouger pour aller avoir des ressources, qui donc vont avoir vont bouger, vont éventuellement avoir des choses comme des capteurs, comme des yeux. L'environnement va être de plus en plus complexe. Ils vont faire évoluer quelque chose qui est en gros ce qu'on a trouvé de mieux dans les environnements complexes, c'est-à-dire un intellect, une espèce de forme d'entendement. Et on aura finalement quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a. Donc l'alternative, elle est là. Est-ce que c'est la nécessité à tous les étages de la sélection naturelle ou la contingence de l'évolution avec ses extinctions de masse? Voilà. Merci pour cette conclusion synthétique, Philippe Pudman. Le programme était très très chargé et les choses sont beaucoup plus claires grâce à vous. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour terminer cette série sur l'origine des espèces. Le combat Stephen Jay Gould et Richard Dawkins continue. Rappelez-nous le titre du livre qui resserre ce conflit entre Dawkins et Jay Gould. Gould versus Dawkins, c'est de Kim Sterling. Voilà, on le mettra en lien sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec Kendrick Lamar. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, is born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish y'all you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed, this that I got realness. I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. like I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tire skirt, the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, you're almost. L'ADN de Kendrick Lamar pour terminer cette série sur Charles Darwin et l'origine des espèces et pour donner la parole à Aurélien Bélanger qui, comme tous les jours, vient poser sa question philo. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour Adèle. Alors je ne sais pas si vous parlez de vous, mais la question du jour, votre question du jour est la suivante. Les intellectuels doivent-ils toujours avoir mauvaise conscience ? Eh oui, désolé, cela ne nous rajeunit pas. J'ai ressorti la vieille question des années 30 et des années 40, la vieille question des existentialistes, des mauvaises dissertations qui passent de Sartre à Camus et de Peggy à Kant, comme de Charybde en Scylla. Mais je crois quand même que c'est une bonne question, en tout cas de celles auxquelles on pense dans la douche. D'où venait, c'est ce que je me suis demandé en regardant agir mon nouvel anticalcaire à effet préventif, d'où venait ma prétention à bien connaître le monde, à me poser les bonnes questions, tandis que des gens, en même temps, mouraient dans l'eau glacée. Je me suis alors dit qu'elle était bien pratique, l'idée de révolution, l'intellectuel, ne pouvant ni sauver le monde, ni aider vraiment quiconque, rêverait par là d'une remise à plat générale et un peu théorique. Mais il ne faut pas exagérer, on est tard dans le siècle, si tard que c'est d'ailleurs le siècle d'après, et ce à quoi je pensais, ce n'était pas à la révolution, mais simplement à penser correctement les problèmes d'aujourd'hui, de trouver leur bonne articulation, la question sans réponse. Ne pas trouver ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas à ça qu'on pense quand on est dans la douche, mais pourquoi les choses sont ainsi. D'où venait qu'on était arrivé là, que le calcaire du fascisme recouvrait à nouveau, et aussi rapidement, la bonne vieille idée anti-adhésive de la liberté. À la limite, j'aurais presque été fier de ma mauvaise conscience, c'était presque comme un diplôme d'intellectuel. Vous voulez dire que l'intellectuel, ce serait pas celui qui s'engage, mais celui qui en fait ne peut pas grand-chose. Bah, je me disais en tout cas que l'intellectuel était un peu le prolétaire de ses idées. Alors dans son journal, Gide note la réflexion suivante. D'où vient que les simples d'esprit sont difficiles à faire changer d'avis de ce que leurs rares idées, ils ont travaillé dur pour les obtenir. L'intellectuel est donc un pauvre d'esprit comme les autres. Quelqu'un qui ne tient pas d'ailleurs tellement à jouer au pauvre d'esprit qu'il travaille à avoir des idées. Et à les défendre, et à les vendre très cher. De là vient sans doute d'une quête passionnée de la lumière alors qu'ils ont une conscience amère de leur néant, la passion ambiguë des intellectuels pour les prolétaires. Eux aussi, à leur façon, pensent contre le néant. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans une des études que Benjamin a consacrée à Brecht, le genre de remarque qui vous fait sortir de la douche chaude des idéologies bourgeoises. Bah allez-y, on vous écoute. Alors le prolétaire, écrit-il, en polémiquant d'ailleurs avec les idéaux franciscains de Rilke sur la pauvreté comme lumière intérieure, le prolétaire, c'est celui qui a une conscience exacte de sa situation, tout simplement car sa survie en dépend. Aucun romantisme là-dedans, juste l'apparition brutale d'un idéal heuristique, et c'est là où Brecht excelle. S'il fallait dire en trois mots le décisif au sujet de Brecht, on serait bien avisé de s'en tenir à l'énoncé suivant. Son objet s'appelle la pauvreté. Comment l'homme qui pense doit se tirer d'affaire avec le peu de pensées pertinentes qui existent. Et donc c'est comme ça que Brecht échappe à sa mauvaise conscience d'intellectuel. Bah probablement oui, en généralisant à lui-même la condition de prolétaire, en passant du luxe de la libre pensée à la certitude glaçante et salvatrice que sa pensée est, elle aussi, déterminée. L'abondance des problèmes et des théories, des thèses et des visions du monde est fictive, écrit Benjamin. Leur façon de s'annuler mutuellement n'est ni due au hasard, ni fondée dans la pensée en soi, mais se trouve au contraire dans l'intérêt des gens qui ont mis leurs penseurs à leur poste. La mauvaise conscience des intellectuels n'a rien à voir avec une quelconque passion mélancolique. Elle est simplement la juste formulation de leur impuissance structurelle. Eh bien, méditons sur cette affirmation. Merci Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. équipe des Chemins de la Philosophie que je remercie comme tous les jours évidemment, grâce à qui aucune de ces émissions n'aurait lieu. Aujourd'hui, c'est Jules Barbier qui a préparé l'émission en compagnie de Manon de la Selle, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions sur Darwin, à la lecture des textes et Vincent Schmitt, à la prise de son Ludovic Auger. On se retrouve demain. Demain, comme tous les vendredis, c'est Profession Philosophe qui chaque semaine donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Et demain, nous serons en compagnie de Vincent Delecroix. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, mais aussi en téléchargeant l'application Radio France. C'est gratuit et très pratique, ça vous permet d'écouter les émissions en direct ou bien en téléchargement, en podcast, et de les garder pour une durée illimitée. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de vous y retrouver. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.